Il joue là-bas sur des congas. Est-ce que la question que lui posait around this part of the neck around here when you get that.